projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes. La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires. Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive. Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne. Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources. Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur La Traverse, le podcast en transition. Dans ce premier épisode, nous allons présenter notre démarche et introduire tranquillement les quelques notions qui vont nous suivre tout au long de la série. On a ce projet, La Traverse, tu te souviens? Un podcast sur la transition écologique et sociale en milieu rural? Quoi? C'est depuis qu'elle a glissé la sur un traverse. Point haut, elle est tombée sur la tête, ça lui okay, prend des fois. D'un coup, elle oublie les deux dernières années de sa vie et elle retourne à l'époque où elle s'en foutait de l'écologie. Ah mais ça tombe bien! On enregistre un épisode qui explique comment on en est arrivé à ce projet. Allez, accroche-toi, on va parler de... politique rurale, territoire, l'accès aux services publics, l'effondrement potentiel de la civilisation, le réchauffement climatique, transition écologique. Ah oui! Gros programme. Mais pourquoi vous faites ça? On vient de finir nos études et nos dernières années ont été marquées par les mouvements pour la justice climatique, l'émergence du thème de l'effondrement et donc le développement d'une réflexion personnelle sur la décroissance. On a étudié les politiques urbaines et territoriales. Ah, vous êtes urbaniste? Non, pas trop. Architecte? Non plus. Je comprends rien. En fait, on étudie les systèmes politiques territoriaux et les stratégies d'aménagement des territoires pour mettre en place de l'action publique territoriale. Ah ouais, vous faites de la politique, quoi. Oui, mais pas que. On s'intéresse également beaucoup à l'économie, la sociologie, l'histoire, le droit. Un mélange de toutes ces disciplines pour appréhender le territoire et la façon dont l'action publique s'y construit. Waouh, c'est tellement techno, tout ça. Mais non, justement. Avec cette émission de radio, on va essayer de montrer que ce n'est pas si compliqué à comprendre en laissant la parole aux acteurs et aux actrices des territoires. On va partir pendant une semaine sur chaque collectivité pour y rencontrer les habitants et habitantes, les élus et les initiatives qui façonnent ces territoires pour leur permettre de nous présenter leur vision de là où ils habitent et vivent. Et vous partez n'importe où comme ça? On se concentre principalement sur des territoires ruraux, mais on n'est pas très strict sur la définition. D'ailleurs, les Parisiens non plus. Le mot rural, qu'est-ce que ça évoque? Le territoire, pour moi, c'est hyper associé à ma région, parce que j'en ai d'un milieu, je sais pas, mais en tout cas d'un coin où il y a pas mal d'agriculture et voilà, donc je pense que j'en ai une vision un peu plus précise que beaucoup, beaucoup de gens à Paris. Ouais. Je sais pas exactement comment répondre à ça, mais en tout cas ça m'amuse d'entendre des gens l'utiliser à tort et à travers, notamment en politique, mais voilà, le milieu rural, je pense que c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup et qui recoupe des réalités très, très différentes. Quoi. La campagne, les champs, les fleurs, les cultures, les animaux. Présence d'agriculteurs, bien sûr, hein, de fermes, voilà, un paysage vert avec forêt, parc, c'est surtout une région d'élevage. La réalité, par exemple, ces endroits où il y a moins de transports en commun, c'est moins desservi et où les commerces sont un peu plus éloignés, je dirais. Ah oui, en effet, c'est un peu cliché tout ça, non? La France rurale est en effet souvent ancrée dans des représentations stéréotypées, que ce soit positivement ou négativement. Souvent, la France périphérique est comprise comme un espace situé à l'écart des dynamiques de production, de consommation et de globalisation dont bénéficient les grandes villes. Mais c'est également normal d'avoir des représentations partagées par un ensemble de personnes qui habitent un même territoire, en opposition à d'autres images. Les instances de statistiques participent également à la normalisation du rural en créant des catégories. Par exemple, selon l'INSEE, les territoires ruraux sont définis en opposition aux zones urbaines. Une unité urbaine est une agglomération d'au moins 2000 habitants où le bâti est continu, c'est-à-dire où il n'existe aucune coupure de plus de 200 mètres entre les constructions. Donc, si je comprends bien, le rural, c'est tout ce qui n'est pas urbain, c'est le reste, quoi. Exactement. Difficile, dès lors, de faire émerger un peu d'identité dans tout cet encadrement numéraire. Mais on peut aborder cette définition au travers d'autres éléments. Le dictionnaire Larousse écrit... qui concerne la campagne, les paysans, l'agriculture, synonyme, champêtre, campagnard, paysan, rustique. C'est déjà un peu moins froid comme définition, mais toujours un peu cliché. Oui, mais avec tout ça, on a déjà plusieurs éléments. L'éloignement de la ville, la faible densité, une activité agricole relativement présente. On peut y ajouter des données sociales comme la faible mobilité, le contrôle social. On peut parler des problèmes propres à la ruralité, comme l'accès aux soins ou à l'éducation, ou encore l'isolement des personnes âgées. On peut aussi parler de la présence de paysages particuliers comme les champs, les forêts ou les bocages. Mais au final, même s'il est important d'avoir une définition précise dans le cadre de l'élaboration de certaines politiques publiques, ça peut rester très subjectif et relatif à chaque expérience de territoire. Par exemple avec cette dame qu'on a interrogée sur sa maison, située selon elle à la campagne. C'est où à la campagne que vous habitez ? En Normandie. En Normandie, d'accord. Oui. Dans une ville qui est 50 000 habitants peut-être. D'accord. Mais c'est une... Enfin, dans une maison qui a un petit jardin qui est pas en centre-ville, mais qui, c'est comme si j'étais à la ville, quoi. Mais c'est un peu différent quand même. On le voit, les réalités que recoupe le mot rural peuvent être très différentes. Une chose est sûre, c'est qu'il n'existe pas un type de territoire rural. C'est exactement pour cette raison que nous avons souhaité nous rendre sur plusieurs territoires, pour montrer leur diversité. On ne sortira jamais totalement des clichés, mais il est nécessaire que ces territoires soient mieux connus du grand public pour qu'ils deviennent un vrai sujet d'étude et de réflexion. Au sein de notre formation, on a d'ailleurs peu étudié ces territoires. Tout tournait beaucoup autour des métropoles et des villes moyennes européennes. Et pourquoi ça ? Parce que la métropolisation est le modèle de développement dominant aujourd'hui dans un système en recherche constante de croissance économique au sein d'une société capitaliste et néolibérale globalisée, où les villes sont en compétition les unes avec les autres. Wow, du calme là ! Explique-nous calmement quel est le problème avec les métropoles. En fait, le problème ne vient pas tant des métropoles que du modèle économique dominant au sein duquel elles s'inscrivent et qui pousse à la recherche constante de croissance. Si l'objectif est de maximiser la croissance économique, on a intérêt à ce que les villes grossissent, donc que les acteurs économiques soient concentrés. C'est cette concentration d'activités qui améliorerait la productivité parce que les entreprises sont proches les unes des autres et proches de leurs employés potentiels. Ça, c'est ce que propose la nouvelle économie géographique. Pourtant, comme le dit Olivier Bouba-Olga, ce n'est nullement la garantie d'une meilleure dynamique, si toutefois elle est souhaitable. On l'écoute au micro du Forum Urbain. En effet, il y a un discours un peu rouleau compresseur qui s'impose en France, pas qu'en France d'ailleurs, hein, qui consiste à dire que finalement, si on veut continuer à créer des richesses et de l'emploi, il faut mettre l'accent sur quelques territoires, donc les métropoles, hein, qui seraient les seuls en capacité de rivaliser dans la compétition mondiale parce que ces territoires seraient attractifs. Et ça veut dire que pour les autres territoires, la seule alternative, ce serait de s'inscrire en complémentarité avec les métropoles, soit s'engager dans le développement d'activités plutôt présentielles, comme on dit, services à la population, pour les cadres des métropoles qui auraient envie de se reposer le week-end ou pendant leurs vacances ou au moment du passage à la retraite. Dans mes travaux de recherche, ce que je montre avec d'autres, hein, c'est que ça passe pas l'épreuve des faits. C'est-à-dire que certes, quelques grandes villes sont dynamiques, mais d'autres le sont moins. Et puis surtout, on a des territoires hors métropole qui présentent des performances tout à fait importantes, supérieures parfois aux plus dynamiques des métropoles. Premier volet des travaux, c'est de déconstruire ce que nous, on a appelé une mythologie CAM, qui associe un peu trop vite les métropoles à territoires compétitifs dans la mondialisation, attractifs et où serait concentrée l'excellence économique, universitaire, etc. Compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, je vois pas trop en quoi ça pose problème en fait. Ces mots d'ordre posent des problèmes sur l'organisation sociale de la ville et sur les politiques qui y sont menées. La recherche de croissance économique au travers d'une politique d'attractivité des nouvelles classes créatives par le renouvellement urbain et les grands projets d'aménagement, souvent requalifiés d'imposés et inutiles, pousse toujours un peu plus les classes populaires moins qualifiées en périphérie. C'est le phénomène de gentrification. La ville devient exclusive. En plus, faire grossir les villes, ça pose plein d'autres problèmes. J'aime bien monter à Paris pour profiter un petit peu de l'aspect monument historique, cadre de vie, les cafés, les terrasses, les boulevards. Mais y vivre en tant que tel, j'aurais peut-être un peu de mal parce que je ne suis pas trop habitué à la présence de cette concentration de population qu'on connaît ici, des problèmes de déplacement, de stationnement, enfin voilà quoi, une vie quand même assez trépidante, assez rapide, toujours un petit peu à courir. C'est les problèmes quand même de pollution. Ici vous êtes bien passé, je dirais, par rapport à la pollution atmosphérique. hein, l'environnement quand même qui n'est pas toujours sain. Ben, quand on voit les problèmes d'école, ben, sans parler du problème de l'incendie de Notre-Dame avec le plomb autour, etc. On se rend compte là des impacts que peuvent avoir de tels événements, hein, sur une concentration de population comme on a ici à Paris. Hein. Nous, on a peut-être des avantages à la ville, on a le métro, on a tout, mais on n'a pas non plus le plein air comme ils ont. Alors, ça s'équilibre, hein, parce que les gens qui sont à la campagne, ils disent toujours « Ah oui, mais à la ville, vous avez ci, vous avez ça. » Les logements étant trop chers à Paris, maintenant, bah, ils sont obligés de se délocaliser, bien sûr. Quand on voit que c'est remonté, c'est une folie, à 10 000 mètres, à 10 000 euros. Dans l'Est parisien, là, 10 000 euros le mètre carré. Il y a encore 3-4 ans, c'était à 7 500. Les gens, la famille modeste, ne peuvent plus acheter à 10 000 euros le mètre carré, ne peuvent plus acheter. La concentration des activités a donc des effets néfastes qui touchent directement la population. Pollution, augmentation du prix des loyers, promiscuité... Oui, mais au moins, c'est quand même plus écologique de vivre en ville. Ouais. Alors, avant tout, c'est quoi l'écologie ? C'est un mot tellement vaste que, je sais pas, on en entend beaucoup parler. Bon, j'essaye de faire les choses pour que ce soit plus responsable... Eh ben, c'est faire attention par des gestes simples pour parce que oui, c'est pas nous à notre échelle qu'on va y arriver, mais si déjà tout le monde prend l'exemple et fait des gestes simples, je pense que ça peut aider à cette transition écologique. Il est évident qu'il faut prendre conscience des problèmes d'écologie actuels. Maintenant, le modèle écologique est bien en soi, mais je trouve qu'il a ses limites dans le contexte actuel de notre vie, parce que c'est remettre en question carrément un style de vie. Si on veut vraiment être écolo, c'est abandonner la voiture, c'est abandonner les déplacements en avion, c'est abandonner... Bon, est-ce qu'on est prêt à faire ces concessions-là ? C'est ça, donc je pense qu'il faut un juste milieu. On est tous un peu éco, et il faut que ça s'arrête à un certain moment. Ah, écologiste, c'est bien, mais il ne faut pas tomber dans l'extrême. Hein. Mais oui, bien sûr, si on parle des tri des ordures, de la propreté de Paris, tout ça, oui. De la verdure, on demandait qu'il y ait un peu plus de verdure, oui. Mais des fois, on voit des écolos, quand on parle des écolos, qui sont un peu extrémistes. Même pour aller en avion, pour aller aux États-Unis, il faut prendre le bateau. Bon, ça, c'est ridicule, quoi. Elle est partie sur un voilier. Non, mais ça tourne au ridicule. Il faut essayer de restreindre un peu tout ce que l'on peut faire sans prendre l'avion, comme la voiture. Moi, par exemple, j'ai une voiture. Ça fait 4 ans que je l'ai, j'ai fait 15 000 km. Je m'en sers pour aller à la mer, mais je m'en sers pas pour Paris. Alors ça, oui, il faut faire de l'écologie comme ça, mais l'écologie, à mon avis, intelligente. Pas n'importe quoi. Ouais, donc l'écologie, c'est trier ses déchets, prendre moins la voiture, consommer bio, rien de nouveau, quoi. Alors pour nous, c'est un peu ça, mais quand même beaucoup plus complexe en même temps. Ça ne se limite en tout cas pas aux éco-gestes, ça touche toute notre organisation collective. L'écologie, c'est une façon de concevoir notre environnement et notre place en tant qu'humain en son sein. Mais pourquoi s'en soucier d'ailleurs ? Ah bah parce que là, il est temps de faire quelque chose, quoi. Là, il est temps de réagir parce que... On voit ce que ça entraîne, on voit les catastrophes naturelles que ça entraîne, donc je pense qu'il est temps de réagir. Le réchauffement climatique est quelque chose, je crois, qui est palpable, qui est tangible pour tout le monde maintenant, puisque bon, on voit qu'on est confronté de plus en plus à des températures, des étés secs, on a un déficit en eau flagrant, hein, actuellement. Là, quand je suis monté là, sur Paris, les paysages sont vraiment dans un état de sécheresse absolue, quoi, hein. Quand on voit les campagnes environnantes, tout ça, c'est très très sec. Ah, les risques, la pollution, ouais, le climat, hein. On s'aperçoit quand même que c'est réel. Depuis le temps qu'on nous le dit que le climat change et qu'il y a certains qui disent que non, on s'en aperçoit quand même. Hein. Les inondations, les ouragans, tout ce que l'on veut, c'est quand même, ça bouge quand même. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein. Quand on a vu on n'a jamais vu autant de pluie qui arrive à certains moments, des torrents, et puis les glaciers qui fondent. C'est quand même important, c'est les glaciers qui fondent quand même. Ça, c'est quand même important. En effet, comme en ont conscience de plus en plus de gens, et pour le dire franchement, nous avons pas mal étudié les problèmes écologiques. Et On est dans la merde, c'est ça ? Bah, sans vouloir être pessimiste... Non mais ça va, tu oui, peux le dire. Oui, on est mal barré. Certains spécialistes s'accordent même à dire que nous serions en voie de connaître un effondrement systémique de notre société. Voilà, mais qu'est-ce que tu racontes encore ? T'es un complotiste, c'est ça ? Vous êtes vraiment des prophètes de malheur, les écolos, là ? Non, c'est très sérieux. En fait, il y a beaucoup de données qui concordent pour dire que notre civilisation s'apprête à traverser de graves crises. Dans un premier temps, le perturbateur majeur de notre société dans les années à venir, et dont on peut déjà percevoir les effets, c'est le dérèglement climatique. Et ce n'est bien sûr pas l'idée de quelques farfelus, ce thème a fait l'objet de nombreuses études et enquêtes.

Au-delà de 2 degrés d'augmentation, les impacts seraient dramatiques, par exemple sur notre capacité à nous nourrir ou sur notre santé. Par-dessus tout, le seuil de 2 degrés représente une bascule, un point de non-retour aux conséquences irréversibles. Contrairement à la pollution atmosphérique et aux problèmes de tri des déchets dont parlaient les personnes interviewées, on voit que le réchauffement climatique est un enjeu plus global et structurant, qui appelle à des réponses systémiques. Ok, donc on arrête tous de rouler en voiture thermique, on investit à fond dans les énergies renouvelables et on est tous sauvés. Pas tout à fait. Si le réchauffement climatique est l'un des principaux enjeux, plein d'autres problèmes s'y ajoutent. D'abord, la raréfaction des ressources naturelles. En effet, il est difficile de s'imaginer qu'on puisse continuer à puiser indéfiniment des ressources contenues en quantité limitée sur la planète. C'est valable pour les énergies fossiles comme le gaz ou le pétrole, mais aussi pour les métaux rares, nécessaires à la fabrication des composants des technologies et dont l'extraction participe à la dégradation des sols. Ensuite, il y a aussi la dégradation des écosystèmes et des milieux naturels, par la pollution atmosphérique, par la pollution des sols liée au rejet de produits chimiques issus de l'industrie et de l'agriculture, et par l'artificialisation des sols par la construction. Toutes ces dégradations ont un coût très élevé pour notre environnement, qui se calcule notamment en perte de biodiversité et de qualité des milieux, dont nous sommes, il faut le rappeler, toujours dépendants. Enfin, notre système connaît également une crise des énergies. Quand bien même le réchauffement climatique ne serait pas un problème pour l'humanité, le pic pétrolier prévu par certaines compagnies pétrolières pour les années 2020 nous annonce la raréfaction du pétrole, entraînant une augmentation drastique de son prix, alors qu'une énorme partie de notre économie dépend de cette ressource. Et c'est là que les énergies renouvelables viennent nous sauver. En fait non, les énergies renouvelables ne régleront pas le problème. Une version mainstream, qu'on appelle aussi techniciste, de la transition écologique parie sur le développement des énergies renouvelables et plus globalement sur les nouvelles technologies. Cette vision propose de garder le même mode de vie, mais en changeant les sources d'énergie. Cela pose plusieurs problèmes. D'abord, les énergies renouvelables et la haute technologie ont un impact carbone réellement important et nécessitent des matériaux rares dont les stocks s'épuisent. Ensuite, empiriquement, on n'a jamais vu une nouvelle source d'énergie se substituer à une ancienne. Généralement, elle ne fait que s'y additionner pour sustenter la demande croissante en énergie. Et enfin, parce que les énergies renouvelables ont un taux de retour énergétique relativement faible. Attends, c'est quoi le taux de retour énergétique ? C'est le rapport de l'énergie que tu obtiens sur l'énergie que tu utilises pour obtenir cette énergie. Par exemple, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher du pétrole de plus en plus profond, on doit donc déployer des moyens de plus en plus grands pour forer, et donc on utilise plus d'énergie pour aller extraire cette même énergie. Bref, on ne peut plus continuer à ce rythme de consommation d'énergie croissante sans un jour arriver à des situations de crise énergétique grave. Et le jour où l'on n'arrive plus à s'approvisionner en énergie, c'est tout notre système qui s'effondre. Mais surtout, pour en revenir à notre sujet initial, les métropoles. Par exemple, Paris consomme 20 fois plus d'énergie qu'elle n'en produit localement. Elle est dépendante du pétrole pour son approvisionnement en multiples ressources. En cas de rupture d'approvisionnement alimentaire, la ville peut continuer à distribuer de la nourriture durant 3 jours seulement. Et les villes ne sont pas du tout préparées à ce genre de catastrophe. Mais vous craignez pas de faire un peu peur aux gens avec vos idées de fin du monde ? C'est complètement contre-productif. Franchement, depuis que le discours sur l'effondrement se médiatise, on n'a jamais vu autant de gens se mobiliser. Et de toute façon, l'effondrement est un phénomène qui est déjà observable aujourd'hui. Mais donc il est trop tard. Ça encourage pas non plus à agir, ce genre de discours. Ce n'est pas ce qu'on pense, et c'est pas non plus ce que pense Aurélien Barraud, auteur du livre « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité », au micro de Anne-Sophie Lapix. Ça, c'est une question très importante et je l'entends de façon récurrente. Mmh. Est-il trop tard ? Mais ce trop tard ne veut strictement rien dire. Il est évidemment trop tard pour que rien ne se soit passé. Il y aura des catastrophes, c'est absolument certain et inévitable. Il n'en demeure pas moins que ça peut toujours être pire. Donc ça ne veut absolument rien dire de savoir s'il est trop tard. En plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait se dire qu'il y a déjà eu 20 millions de morts. Et alors ? Non, raison de plus pour tenter d'y mettre fin. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une situation critique où il est tout à fait évident que les conséquences seront dramatiques. Il n'en demeure pas moins qu'entre plus 2,5 ou plus 6 degrés de réchauffement climatique en un siècle, ça change quand même tout. On ne prétend pas empêcher la catastrophe, car comme il le dit, il est trop tard pour que rien ne se soit encore passé. Notre volonté, c'est d'empêcher ce qui peut encore l'être d'arriver. Bref, de réduire l'impact de la crise environnementale que nous traversons. Ça, c'est mobilisateur. Nous pensons qu'il faut suivre la route d'une décroissance choisie, plutôt que de la subir malgré nous. Par ailleurs, chaque dixième de degré compte, pour atténuer les effets du réchauffement. Et donc, le monde rural, ça vous semble pertinent ? On est convaincu qu'il faut modifier notre organisation territoriale afin d'obtenir des formes d'habiter qui soient résilientes au choc. La façon dont on conçoit et on construit l'espace est très importante pour les questions liées à l'énergie, mais détermine également toute notre organisation sociale. Et comme l'ont pressenti nos interviewés, les campagnes sont des terreaux propices à des modes de vie plus écologiques. C'est plus facile à la campagne, hein, je pense, sans aucun doute. Hein. On n'a pas le même mode de vie. Hein. On court moins, on se déplace peut-être moins souvent. On peut effectivement envisager se déplacer avec des moyens moins polluants, des petites voitures électriques, des choses comme ça, pour faire des courses de proximité. Après, quand on a des choses importantes à faire, on va dans les métropoles. On prend le train, on monte sur Paris, on va sur Bordeaux, pour nous, ou sur Toulouse. Hein. Mais le mode de vie écolo est plus facile à la campagne, dans la mesure où on peut avoir son petit lopin de terre, faire ses petites cultures pour soi-même, enfin quelques légumes, des choses comme ça, élever pourquoi pas quelques poules, avoir ses œufs et tout. C'est des choses qui sont plus faciles à faire que bien sûr un appartement quand on vit en ville. Hein. Non. En ville, c'est très difficile. Vous n'avez rien pour jeter vos... ou faire des... comment... pour jeter vos ordures et puis les mettre par exemple en compost, voilà. En fait, c'est très difficile. C'est moins cher en tout cas d'être écolo à la campagne. Ouais. Oui, tu vois, moi, mes parents, ils vont acheter des fruits et des légumes en face de chez eux à la ferme. Comme ça, moi, si je veux des trucs bio, j'y laisse la moitié de mon salaire. Donc c'est compliqué, ouais. Bien sûr, comme nous l'avons dit précédemment, l'écologie ne se résume pas à faire son jardin et son compost individuellement. Cela nécessite une refonte beaucoup plus radicale et collective de notre système politique, économique et social au niveau territorial. Mais il faut en convenir, il nous semble également que des espaces de moindre densité sont plus propices à l'élaboration d'une transition écologique. En tout cas, nous souhaiterions sortir du mythe de la densité et de la ville durable. Nous souhaitons étudier la faible densité et les interstices qu'elle ouvre à de nouvelles expérimentations. Repenser notre mode de vie et notre organisation territoriale nécessite d'explorer de nouvelles possibilités et de décloisonner nos imaginaires pour mettre en place une transition écologique radicale. Ok, je vous suis. Mais on a un plan, du coup ? Moi, j'améliorerais le problème des ordures et de se débarrasser des ordures. Ah ! Les plantations de verdure, et puis il ne faut pas passer son temps à vouloir faire de la construction. On détruit plein d'endroits en faisant des immeubles, même sur les bords de mer, par exemple. On construit maintenant partout sur les bords de mer. Oula, je pense que c'est sur des choses simples. Déjà, les transports en commun, je pense qu'on peut encore plus les développer, on peut toujours plus les développer pour éviter de prendre les voitures ou les choses comme ça. Je pense que... pour que ça soit plus facile au niveau du tri aussi, tout simplement, au niveau du recyclage des déchets. Peut-être pas mettre des obligations, mais des choses plus simples d'accès pour que les gens prennent le pas, quoi. Moi, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire autour des déchets. Des déchets et de comment on apprend, enfin, on apprend le recyclage aux enfants. Et je trouve ça dingue. Et encore, pour le coup, là d'où je viens, de chez mes... à Paris, c'est fou. Il y a la moitié des endroits où tu habites où tu peux pas encore trier tes trucs. Ce qui décourage énormément de gens, enfin voilà. Mais à la campagne, on a l'impression que c'est mieux, ça ne l'est pas forcément toujours non plus. Je pense que c'est quand même la vigilance par rapport à l'utilisation des pesticides, parce que c'est le problème le plus important, je crois, en milieu rural. Hein. Ce à quoi il faut être vigilant, c'est l'accès aux services publics. Aux soins, bien sûr, le problème des soins médicaux aussi, qui est quand même très présent. La prise en charge des personnes âgées aussi, qui souvent des personnes veuves, qui sont seules, qui n'ont pas trop de moyens de locomotion. Donc tout ça, ce sont des vrais problèmes de société auxquels il faudra peut-être répondre. Hein. Voilà. On l'entend, tout le monde a des idées. Pour nous, la transition écologique sur les territoires doit être radicale, transversale et surtout sociale. Transitionner, c'est préparer son territoire à faire face au dérèglement climatique et à ses conséquences. C'est donc aussi réfléchir aux besoins fondamentaux et aux façons d'y répondre localement en sortant de sa dépendance aux approvisionnements extérieurs en énergie et en alimentation. C'est donc aussi réfléchir aux besoins fondamentaux et aux façons d'y répondre localement en sortant de sa dépendance aux approvisionnements extérieurs en énergie ou en alimentation. Tout cela implique de réfléchir à l'écosystème économique d'un territoire, à ce qu'on peut y produire. Ça implique aussi de recréer du lien social, des solidarités et des interdépendances entre les habitants et les habitantes. Donc on revient au Moyen-Âge, c'est ça ? Non, pas tout à fait. Penser l'économie de façon territorialisée, c'est ce que proposaient Lewis Mumford et le mouvement biorégionaliste dans les années 60. Les biorégions, ce sont des territoires dont les limites ne sont pas déterminées par des frontières politiques mais naturelles et qui, en leur sein, disposent de toutes les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins des espèces humaines et non humaines qui l'habitent. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire est complètement déconnecté de son environnement proche. Lors d'une conférence que nous avons organisée pour le lancement de la Traverse, Agnès Sinaï nous parlait de ces biorégions. Ah mais oui, c'est vrai, je crois que je me souviens. Cette idée de biorégion est née en Californie dans les années 70 et elle a été remise ensuite au bout du jour par un Italien, Alberto Magnaghi, en Italie, qui s'est intéressé à ce qu'il a appelé la biorégion urbaine, c'est-à-dire que faire des friches et comment créer des villes rurales, comment métisser en fait la ville avec les campagnes, en reprenant cette idée de cité-État, avec cette question des échelles où la ville était conjointe à son arrière-pays et ses ressources provenaient de ses environs, en fait, dans une sorte d'équilibre entre la population, la ville, la campagne, la diversité des métiers, les guildes d'entraide professionnelle, les coopératives, les artisans, les paysans, etc. Bon. Il y a une forme d'utopie à la base dans cette idée de biorégion, et puis il y a une forme aussi d'écologie scientifique. Dans la toute première définition de biorégion, les Californiens définissent la biorégion comme une entité qui est en rapport avec les ressources. La biorégion, c'est une aide finalement à la transformation culturelle de notre rapport au monde, pour se remettre en marche dans un nouvel imaginaire qui est assez concret en même temps, parce qu'on pourrait demander à des écologues de tracer les frontières des biorégions, et puis qui est économique, parce que le fait de prendre soin des ressources, ben, ça pourrait donner lieu à des métiers très nouveaux. Plus récemment, le mouvement des villes en transition, inspiré par Rob Hopkins et son manuel de la transition publié en 2008, ont mis en avant des idées assez proches. Ce sont des villes qui se fixent la résilience comme objectif avec trois priorités, l'autonomie alimentaire, énergétique et intellectuelle. Ok, donc il y a les concepts de localité, de résilience, d'autonomie et... Et de développement local. Le développement local, c'est un mouvement qui a émergé en France dans les années 70 sur des territoires en marge du développement économique des Trente Glorieuses. La prétention du développement local, c'était d'utiliser les initiatives locales au niveau des petites collectivités rurales comme moteur de leur développement, au lieu d'essayer de les inscrire dans la mondialisation. En fait, c'est un peu l'ancêtre des territoires en transition. Le concept n'avait pas forcément de prétention écologique à la base, mais son esprit de micro-projet et de relocalisation de l'économie s'inscrit pleinement dans l'objectif d'amélioration de la résilience locale. Ok, donc si je comprends bien, vous allez dans les territoires ruraux pour présenter les dynamiques de transition. Tout à fait. Il y aura un épisode par territoire et nous traiterons à chaque fois d'une problématique différente qui nous aura semblé intéressante. On n'a pas l'intention d'aller uniquement dans des territoires hyper dynamiques en matière de transition. On veut aussi aller là où moins de projets sont mis en place pour aussi comprendre les blocages qui peuvent limiter le développement de telles initiatives. Ok, super, c'est beaucoup plus clair. Et vous partez où en premier ? Dans notre prochain épisode, on parlera du pays du centre-ouest Bretagne. Ah mais oui, j'y étais, je me souviens. Je peux en parler si vous voulez. Ouais, vas-y. Alors, on s'est intéressé à la manière dont le discours écologique est perçu par la population en fonction de la provenance du discours. En gros, est-ce que certaines personnes sont plus écoutées que d'autres et est-ce que certaines stratégies d'approche sont plus efficaces que d'autres ? Bref, d'où vient le discours écologique et comment est-il accepté socialement ? Voilà, on espère que cet épisode introductif est clair et que le sujet vous intéresse autant qu'il nous intéresse. On espère aussi que vous avez envie d'écouter la suite. Rassurez-vous, aux prochains épisodes, on parlera beaucoup moins. La parole sera laissée aux gens qu'on interroge. Pour info, les sources documentaires de cet épisode sont disponibles dans la description. On vous tiendra au courant de la sortie du prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien !